test permet d'évaluer vos connaissances. Question 1. Le vent souffle de droite, réponse A. De gauche, réponse B. Je risque des écarts de trajectoire. Oui, réponse C. Non, réponse D.